Je dis Charlie, vous dites. Oui. Koulibaly, vous dites. Non. Je dis Amour, vous dites. Oui. Je dis Daesh, vous dites. Non. Je dis Rafale, vous dites. Oui. Oh, terroriste, vous dites. Non. Réforme Paris, vous dites. Oui. Écologiste, vous dites. Oui. Non. Envoyez les CRS. Envoyez les CRS. Raciste. Non. Blague sur les noirs, vous dites raciste. Blague sur les juifs, antisémites. Blague sur Hitler, vous dites nazi. Blague misogyne, vous dites oui.